Puisqu'on était si à l'heure, on va essayer de continuer dans la lancée. Les organisateurs de la journée doctorale m'ont demandé donc, d'animer cette table ronde qui s'intitule, je crois... table ronde qui doit s'intituler, si mes souvenirs sont bons, la thèse et après. Donc on a invité Romain Anger et Brice Saïd pour venir donc parler de leur expérience. Donc l'organisation, ça va être très simple. En fait, je vais leur laisser à tous les deux la parole. Ils vont présenter leur parcours, c'est-à-dire le moment de la thèse, puis après ce qu'ils font désormais. Et puis après, on fera un système de table ronde autour de je poserai un certain nombre de questions, mais surtout, on fera participer le public. Donc, je vais déjà passer la parole à Noa Saïd, qui va comme ça nous présenter son parcours. Bonjour, je suis Noa Saïd. Je suis maintenant maître de conf à l'école d'architecture de Ain Shams au Caire. En fait, j'ai eu mon licence d'architecture de la même école, de Ain Shams au Caire. Et puis, j'ai fait un master à l'Institut d'urbanisme de Paris. Et quand j'ai terminé, j'ai commencé tout de suite le doctorat avec Jean-Paul Thibault. Et j'ai terminé en 2014. Et en fait, dans ma thèse, j'ai travaillé sur la notion de palimpseste des ambiances, dans lequel j'ai travaillé sur la transformation des ambiances dans le temps. Donc, c'est la question de la temporalité, le temps de longue, et le changement au fil du temps. Tu peux nous dire ce que tu fais maintenant? En fait, j'enseigne en Égypte en tant que maître de camp, mais ici je fais un postdoc. Je suis en postdoc pour faire de la recherche, continuer la valorisation de ce que je fais pendant le doctorat. Et je pense que je vais rester jusqu'à cette année en scolaire. Romain. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci pour cette invitation à cette table ronde intitulée La thèse et après. Donc, moi je suis Romain Anger, je suis du laboratoire Crater et j'ai fait une thèse, j'ai fini en 2011, c'était il y a quelques années déjà. Et là aujourd'hui, on a gagné un gros projet de formation innovante qui s'appelle AMACO, Atelier Matière à Construire. Et donc, je travaille aux grands ateliers. Pour moi, la thèse est après, et avant, et pendant. En fait, il n'y a pas vraiment de discontinuité entre ce que je faisais avant au laboratoire Crater, avant d'être inscrit en thèse, le moment où j'ai été en thèse, et puis la suite. C'est-à-dire que nous, on est dans une démarche, je pense, au Crater un peu particulière. On oublie souvent de répéter, mais je pense que c'est une originalité dans le domaine de la recherche académique, qui est que toutes nos actions sont toujours situées, y compris les travaux de thèse et de recherche, sont toujours situées au carrefour de quatre cercles qui sont la recherche, la formation, l'application concrète sur le terrain avec des projets construits et la diffusion vers le grand public, vers les décideurs politiques et tout ça. Donc, moi, c'est comme ça que s'est organisé mon parcours. Sachant qu'au début, quand je suis arrivé au laboratoire Crater, en fait, c'était par un projet de vulgarisation scientifique. Donc, c'était par la diffusion et la pédagogie. On a fait tout un travail sur la science de la matière terre. Et il se trouve que ce projet de pédagogie, en fait, a commencé à intéresser les écoles d'architecture, les écoles d'ingénieurs. Au départ, c'était pour des collégiens. Et puis, du coup, c'est devenu de la formation universitaire. Et en même temps, ce projet, donc pédagogie, formation universitaire, a débouché aussi sur des questions de recherche qui ont donné lieu à des montages de projets de recherche qu'on a gagnés aussi, et donc à des projets de recherche scientifique, plutôt sciences dures, sur la matière, sur la physique. tout ça nous se mélange et en fait il n'y a pas de rupture, hein. C'est entre avant, pendant, après, c'est toute une trajectoire qui continue. Donc j'en ai pour 10 minutes là ou je... Comme tu veux. Je continue alors. Donc du coup je me suis posé des questions par rapport à cette question que la thèse et après comment ça se déroule. Et plutôt que de parler du passé, j'ai eu envie plutôt de parler du passé, mais au prisme du présent. C'est-à-dire, quand on a fait une thèse il y a quelques années, ce qui se passe, c'est que au moment où on fait la thèse, on n'a pas conscience de pourquoi on fait cette thèse. Et ça se révèle en fait au fil du temps. J'en discutais avec des professeurs qui ont fait des doctorats, des HDR, etc. C'est, en fait, la thèse, au moment où on la passe, on ne se rend pas compte que ça touche à des choses très personnelles. Très personnelles. Y a toujours cette impression qu'une thèse, c'est quelque chose de scientifique, de très objectif, de très rationnel. Et en fait, ça touche déjà, sans qu'on le sache, à des intentions personnelles. Donc, nous, je pense qu'aujourd'hui, dans le cadre du projet Amaco, en fait, il y a toute une réflexion de pourquoi on fait ça, pourquoi on s'intéresse à la science de la matière, et c'est quoi notre cible? C'est quoi notre cible numéro un? C'est quoi l'objectif? Et alors, tout ça, ça se mêle. Nous, on est des scientifiques, enfin, moi, je suis un scientifique. On travaille depuis toujours en pluridisciplinarité avec des architectes, avec des artistes, avec des sociologues, des anthropologues, etc. Et donc en fait, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que le sujet de la matière qui nous préoccupe en tant que scientifique, on découvre que c'est quelque chose qui intéresse aussi des architectes qui ont un regard particulier qui n'est pas forcément le même que le nôtre, mais qui se rejoint, ou des regards d'artistes qui ont aussi des choses très communes avec nous. Donc je crois que hier soir j'étais avec Paul-Emmanuel Loiret et Serge Joly qui font une exposition en ce moment à la Cité de l'Architecture, et on a beaucoup échangé sur ces sujets-là. Eux, ils ont un concept qui sont en train de mettre sur le papier, de théoriser, qui est l'idée qu'aujourd'hui on doit passer d'une écologie de réparation à une écologie de fondation. Et ça, moi personnellement, ça me parle beaucoup. C'est-à-dire qu'ils parlent aussi d'ancrage terrestre par rapport aux architectures qu'ils produisent. Et tout ça, en fait, c'est lié pour nous à l'idée que ce que nous reprochons finalement aux architectures de l'époque moderne, on va dire, et la plupart des constructions qui se font aujourd'hui, c'est qu'elles sont décontextualisées, non inscrites dans leur paysage naturel ou culturel. Et autrement dit, qu'elles sont déracinées. Et l'hypothèse que nous on pose, c'est que si elles sont déracinées, c'est parce que nous-mêmes, en tant qu'individus et membres de la société, nous sommes déracinés. Et en fait, c'est là la prise de conscience avec le recul par rapport à tout ce que j'ai fait avant. Je me rends compte que finalement, tout le travail scientifique qu'on avait et toute l'envie de diffuser, de transmettre, soit des étudiants, soit du grand public, etc., elle était liée à l'envie de réparer en fait ce lien qui est rompu à l'intérieur de chacun, par rapport justement à notre contexte, notre paysage. Et nous, on pense que ce lien, ça passe avant tout par notre rapport à la matière. Donc c'est pour ça qu'on travaille sur la matière. Parce que on considère que la matière, c'est la chair de l'architecture, c'est aussi la chair du monde, et c'est aussi la chair de l'être, c'est-à-dire notre chair. Donc en fait, on a un rapport, c'est ce qui nous relie, la matière, qui nous relie à nous-mêmes et qui nous relie à l'architecture et qui nous relie à notre territoire. Et c'est aussi ce qui relie les gens entre eux, d'après nous. Enfin, ça fait partie des choses qui relient. Et donc, on a travaillé sur ce lien-là depuis le début. Et en particulier, au tout début, donc, c'était un travail sur la Terre, expliquer la Terre, par une approche scientifique, c'est quoi ce matériau. C'est un matériau qui est fait de grains, c'est un matériau qui est fait d'argile, c'est un matériau qui est fait d'eau. Et donc tout ça, ça avait comme objectif de montrer que, on le dit souvent dans nos conférences, l'objectif derrière tout ça, c'est ce que William Blake appelle voir un monde dans un grain de sable. C'est-à-dire montrer que de la Terre, qui est une matière déconsidérée, c'est quelque chose en fait de très complexe, d'infini, quelque chose qui est encore largement à découvrir. Et donc, ce qui se passe quand on prend cette conscience-là, c'est que la Terre est un infini et donc la Terre est un trésor inestimable. Aujourd'hui, on est dans un paradigme, c'est-à-dire une représentation du monde où par rapport à la matière, par rapport aux matières, on considère que les matières qui ont le plus de valeur, c'est le pétrole, c'est l'uranium, c'est les terres rares, etc. Et en fait, nous, justement, ce qu'on veut montrer, c'est que les matières qui ont le plus de valeur, c'est la terre, c'est le sable, c'est l'eau, c'est les fibres végétales, le bois, etc. Toutes les matières déconsidérées aujourd'hui qui nous entourent. Parce qu'on peut vivre sans pétrole et on peut vivre sans uranium, mais par contre, on ne peut pas vivre sans terre, sans air ou sans eau. Donc, voilà, c'est un petit peu l'organisation que... Et voilà, et ce qu'on découvre aujourd'hui, dans la trajectoire par rapport à cette thèse scientifique qui a débouché sur plein de choses, des projets de recherche très technologiques, j'ai envie de dire, avec de l'innovation, des matériaux, des nouveaux matériaux terre, de la terre coulée, comme le béton, des choses comme ça. À côté de ça, en fait, on découvre qu'il y a des artistes qui ont la même vision que nous. Par exemple, un artiste japonais qui s'appelle Koichi Kurita et qui collectionne des dizaines de milliers d'échantillons de terre depuis plus de 20 ans. Il fait des grandes installations contemporaines où il pose plein de petits tas de terre les uns à côté des autres dans des musées d'art contemporain pour révéler l'incroyable palette chromatique des sols naturels. Et il dit de son travail, pour les gens qui disent que la Terre est sale, le pouvoir de l'art est de leur faire prendre conscience de la beauté de la Terre. Et nous, c'est un objectif commun, par la science, changer le regard qu'on a sur ces matières. Alors tout ça, c'est aussi des choses qui résonnent avec des réflexions et les travaux des grands architectes d'aujourd'hui, comme par exemple Wang Shu, je pense que vous connaissez tous Wang Shu. Wang Shu, lui, il a un terme qu'il utilise pour parler de ce rapport à la matière, qui a un rapport au monde en fait. Il parle d'essence de la nature. Et il dit, quand il arrive dans un lieu où il va construire un bâtiment, la première chose qu'il fait, c'est qu'il regarde ce lieu. Il regarde par exemple un arbre qui est sur ce territoire, enfin sur son site, et il va essayer de saisir, c'est un calligraphe lui à la base, il va essayer de saisir l'essence de la nature, de l'arbre, du contexte, du paysage sur lequel il se trouve. Et il ne fait rien, il ne construit rien, il ne projette rien avant d'avoir saisi cette essence de la nature. Et une fois qu'il l'a saisi, il va pouvoir commencer à imaginer un projet et construire un projet. Peter Zumthor parle de la même chose. Lui, il n'utilise pas le terme essence de la nature, il utilise le terme noyau dur de la beauté. Il y a tout un texte que je ne peux pas vous réciter parce que je ne le connais pas par cœur sur le noyau dur de la beauté. Il dit le noyau dur de la beauté, c'est de la substance concentrée. Il y a aussi des acteurs, par exemple, de théâtre qui réfléchissent sur tout ça, en particulier un acteur qui s'appelle Pierre Meunier, qu'on aime beaucoup, et lui qui a tout un spectacle sur le tas de sable. Et donc il parle de la relation qui s'instaure entre lui et le sable, entre lui et le tas de sable, et qui transmet au public. Et en particulier, lui, il va utiliser comme terminologie plutôt le cœur caché des choses. qui est derrière, qui est révélé derrière ce tas de sable. Donc, noyer une mur de la beauté, essence de la nature, cœur caché des choses, tout ça, nous, on pense que c'est justement ce lien-là qui est rompu et qu'il faut restaurer pour construire autrement et produire une autre architecture. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu bien à la question. Et tout ça, en fait, je voulais parler de tout ça parce que je pense que si on veut réussir, je pense, après le doctorat, pendant le doctorat, on doit avoir aussi une démarche et des convictions en fait profondes qui touchent à ce qu'on est personnellement et pas juste avoir une démarche très académique, très rigoureuse. On doit vraiment se poser la question, voilà, en tant que personne, qu'est-ce qui nous touche, pourquoi on le fait. C'est-à-dire, c'est une démarche introspective par rapport à qui on est, et ensuite faire le lien avec aujourd'hui la société, le monde extérieur, et quel est notre rapport par rapport à tout ça. Et si on fait ça comme il faut, ben, mécaniquement, hein, j'ai envie de dire, ça amène à des projets, en fait, de manière très concrète, hein, on trouve des sous, on répond à des appels à projets, on trouve des sous parce qu'en fait, on arrive à défendre nos idées, ce qu'on veut faire, etc. Enfin, on est porté, en fait, on est porté, et donc, c'est plus facile pour la suite. Voilà. Alors, merci beaucoup. Donc, ce que je vous propose, c'est que moi, j'ai fait à peu près trois groupes de questions. Je propose qu'on passe comme ça au travail, et puis je laisserai surtout la parole à l'Assemblée. Donc, je pense qu'on peut faire trois un peu séries de questions auxquelles j'aimerais qu'on essaye d'aborder. D'abord, sur la question de ce que j'ai appelé la valorisation du travail de thèse, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une publication ou pas de vos travaux, est-ce que vous continuez à faire des communications autour de vos travaux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce que j'ai plutôt appelé l'avenir professionnel, c'est-à-dire le lien entre votre sujet de thèse et les missions que vous faites actuellement, donc que ce soit dans la recherche, dans l'enseignement ou encore au travers d'autres projets de recherche. Un peu aussi sur la question, mais c'est ce que Romain a déjà abordé, c'est-à-dire les liens qui ont été faits durant la thèse avec des acteurs extérieurs et comment ces choses-là peuvent ou pas perdurer. Et enfin, une dernière, on va dire un dernier groupe de questions sur les formes que prennent actuellement votre recherche et les différences, s'il y en a ou pas, avec celles que vous avez menées en thèse. Et moi, je pense que ce qui m'intéresse personnellement particulièrement, c'est la question de la continuité ou de la rupture entre, on va dire, la fin de thèse et ce que vous faites actuellement. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire juste quelques mots sur comment vous avez pu valoriser votre travail de thèse? Est-ce que vous avez pensé à publier ou pas, etc. En fait, avant de répondre à cette dernière question, j'aimerais bien quand même clarifier un peu le contexte dans lequel je suis actuellement. En fait, au contraire de ce qui était dit, la vie avant, pendant et après, c'est assez rupturé. C'est comme Karine juste vient de dire, quand on est dans un pays et puis vient dans un autre, c'est vraiment un changement. Et faire une thèse à la française, entre guillemets, c'est quelque chose qui prend du temps pour vraiment y entrer, pour savoir comment ça se passe et tout, c'est complètement différent. Et puis en fait, quand j'ai terminé, je reviens encore une fois en Égypte, donc ça aussi, c'est un changement. Donc je sens vraiment les ruptures, les moments de la différence. Donc ça, c'est la première chose. Après, en fait, ce qui j'essaye de faire, comment introduire ce que j'ai fait ici en France dans le contexte égyptien. Déjà, j'ai eu pas mal de difficultés, mais c'est des choses très bêtes. Par exemple, comment traduire l'ambiance en arabe. Ça, c'est déjà une notion qui existe pas dans l'enseignement à l'école d'archi. Donc ça, c'est une première confrontation quand on rentre. Et puis une deuxième chose, et je trouve que c'est très riche ici en France, déjà l'existence des laboratoires de recherche, et deuxièmement, la multidisciplinarité. C'est-à-dire, on a des sociologues, des architectes, des anthropologues, qui travaillent sur la même question et qui traitent de différentes manières. En Égypte, en ce moment-là, c'est vrai qu'il y a des politiques d'enseignement qui vont vers l'interdisciplinarité, une vraie volonté de créer des alliances entre différents champs de sciences, mais ça reste quand même un peu, on n'est que des architectes urbanistes. Donc en fait, mais ce qui est aussi bien, il y a une vraie ouverture d'accueillir des nouvelles idées, de nouvelles approches et les intégrer au sein de l'enseignement et au sein de l'université. Donc ça, c'est déjà vraiment très bien. Et en fait, quand je suis rentrée, j'ai essayé quand même d'introduire cette notion d'ambiance sur des cursus. Intitulé comportement habitant et ou bien l'aspect l'humanité dans les espaces publics. Et en fait, dans les fiches d'évaluation pour les enseignants, ça termine toujours par la fameuse phrase « On aurait dû avoir plus de temps pour comprendre de quoi vous parlez ». Donc, on comprend très bien l'importance de l'approche des ambiances, du sensible, mais puisqu'on c'est très architectural, à quoi ça sert vraiment dans le processus de design. On aurait aimé que vous participiez d'introduire cette notion dans les ateliers de conception. Donc c'est ça, et ça aussi c'est un défi que j'aimerais bien le faire. Par contre, il y a quand même, je m'intéresse beaucoup à faire des alliances entre les étudiants pour comprendre comment ça se passe aussi l'éducation en France et le contexte égyptien. On a beaucoup avec d'autres pays, en Allemagne, en Angleterre, mais les anglophones. Et par contre, c'est assez réduit en termes de francophones. Donc ça, c'est un côté. Après, il y a toute une deuxième piste, c'est la recherche. Donc la recherche était toujours en alliance avec la France par des appels. On a répondu avec Jean-Paul Thibault et avec Nicolas Rémy et Grégoire Chonkov sur plusieurs rapports de recherche. Dans lequel nous travaillons toujours sur les ambiances. Et en fait, ça a permis de faire d'aller-retour des chercheurs qui ont m'aidé à introduire. On a fait des workshops avec des étudiants, et puis ça m'aide vraiment à faire des collaborations. Après, pour la valorisation, je n'ai pas encore fait l'ouvrage après la thèse, mais quand même, j'ai publié pas mal d'articles pendant la thèse. Et ça commence à avoir un retour, parce que c'est ces jours-ci qu'il y a des gens qui me contactent pour faire, par exemple, la marche en ville, pour organiser des choses, par exemple, les marches lors des conférences, des ateliers, grâce à ces articles qui ont été publiés. Je ne sais pas si j'ai répondu à... Si, c'était très bien, merci. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur... est-ce que tu continues à écrire des articles en rapport avec ton sujet de thèse à l'heure actuelle ou... D'accord. En fait, j'ai terminé en 2014 et puis après je suis rentrée pour enseigner. En fait, j'étais pas mal chargée pour l'enseignement. Et c'est pour cela, en fait, j'ai dit quand même c'est bien de prendre une pause pour retourner à la recherche. J'avais quand même pas mal des idées à écrire, mais j'avais pas le temps. Et en plus, en fait, j'ai eu mon enfant, donc c'était quand même pas mal occupé avec les deux pistes qui sont différentes. Donc, pour vraiment écrire, j'avais besoin du temps pour déjà intégrer les idées et puis écrire, donc j'avais pas le temps. J'espère à ce moment-là de commencer à écrire à continuer à faire de la recherche. Romain, toi, ta thèse, qu'est-ce que tu en as fait? Pour dire les choses un peu de manière... Est-ce que tu as eu l'occasion de publier des articles? Est-ce que tu as oui. publié ta thèse? Oui, oui, sur Internet. Sur Al, et puis sur... En fait, c'est une thèse avec INSA de Lyon, l'école d'ingénieurs, l'école doctorale matériaux, c'était un peu tutelle... laboratoire cratère, un laboratoire matériaux, donc oui, elle est sur internet. Après, on a toujours, enfin, moi moi je dis nous parce que c'est avec Laetitia Fontaine que je fais tout ça. On a toujours beaucoup, beaucoup écrit, beaucoup publié, beaucoup fait d'articles, etc. On est très sollicité sur des colloques, des séminaires, des choses comme ça, des conférences. Donc on a beaucoup écrit, on n'a pas cherché en fait à beaucoup écrire, mais on a toujours beaucoup écrit, parce que moi j'aime bien ça. C'est pas du tout quelque chose que je trouve pénible, au contraire, hein, je trouve ça toujours intéressant de mettre sur le papier ce qu'on a dans la tête. Et la plus grosse publication pour nous, c'était un livre. C'était un livre qui s'appelle Bâtir en terre, du grain de sable à l'architecture. Donc ça, ça reste quand même notre publication principale, qui est source de reconnaissance à la fois académique, professionnelle, en public, etc. Je pense que c'est une bonne chose d'écrire un livre. Voilà, donc je sais pas quoi dire de plus. Ben, on peut peut-être demander à la salle si certains ont des questions ou peut-être... J'avais juste une remarque là, par rapport à ce qu'elle disait, que le mot ambiance n'existe pas. C'est vrai que c'est pas facile ça. Quand on regarde au niveau international, c'est pareil pour le mot matière. Le mot matière, tel qu'on le comprend nous français, par exemple en anglais il n'existe pas. En anglais c'est matériau, il n'y a pas le mot matière. Et en anglais, quand on parle de matter, en fait, c'est pas les matières qui sont autour de nous, qui constituent le monde qu'on peut toucher et percevoir. C'est tout de suite. La matière vue par l'œil du scientifique, les atomes, les choses un peu virtuelles, j'ai envie de dire. Et ça n'existe pas en anglais. Donc c'est intéressant parce qu'on voit qu'en fonction des cultures, on n'a pas du tout les mêmes approches. Quoi. Donc c'est ce qui nous intéresse le plus. La matière, on ne parle pas non plus de matière première, parce que quand on parle de matière première, ça veut déjà dire qu'il y a une utilisation, une utilisation de la matière va être utilisée pour quelque chose. On parle de la matière qui constitue le monde. Quoi, c'est amusant, hein, des fois c'est compliqué quoi, dans les traductions. Oui. Voilà. Donc est-ce qu'il y a des questions dans la salle, peut-être puisqu'on a un certain nombre d'anciens doctorants, si certains veulent... apporter un témoignage supplémentaire ou... Peut-être sur cette question de la publication, je trouve que ce qui est assez difficile à percevoir quand on est dans la thèse et qu'on essaye de publier sur sa thèse, c'est dans quelle mesure, une fois que la thèse est soutenue, la publication peut permettre ou pas d'ouvrir de nouvelles questions sur la thèse ou de le faire évoluer ou de le faire transformer. Est-ce que ça, c'est une idée qu'on se fait ou est-ce qu'il y a des réelles potentialités dans le travail de publication sur ces questions? En fait, dans la situation où je suis, on a des conditions l'université égyptienne. En fait, quand on termine la thèse, il y a des complications qui se basent sur la thèse. Mais après, pour être évalué, pour avoir un deuxième, le HDR, par exemple, c'est pas le HDR, parce que associate professor et puis professeur, donc c'est autre système. On ne peut pas se baser sur les articles faits par la thèse. Donc il faut aller définir autres terrains qui sont bien sûr reliés à la thématique générale, mais il faut les appliquer autrement. Mais je trouve que quand même, personnellement, je trouve qu'il y a une partie de thèse que j'aimerais bien quand même valoriser, parce que c'est quand même l'article est beaucoup plus d'impact sur... Enfin, c'est ça que j'ai remarqué, par exemple, entre chercheurs. C'est pas la thèse qui donne une vision claire du travail, c'est les articles. Donc ça, je conseille vraiment de faire... personnellement, je trouve que c'est important. Oui. Oui, dans le, en sciences des matériaux, par exemple, les gens qui publient beaucoup n'écrivent pas de manuscrits. Ils mettent juste, voilà, s'ils ont fait, c'est exceptionnel, hein. Mais il y en a qui font 10 articles en 3 ans, leur thèse, c'est les 10 articles. Donc, dans certains cas, ça peut avoir beaucoup d'importance. Après, je pense qu'il ne faut pas... c'est vraiment très très important de publier pour la reconnaissance académique de ce qu'on fait, mais je pense que si on réfléchit son travail que par rapport à la publication et une espèce d'obligation de publier, c'est prendre les choses à l'envers, hein. On doit d'abord vraiment être dans un travail introspectif, de mûrir un travail pendant 3 ans. C'est ça qui est intéressant dans une thèse, c'est le temps long. Et une fois qu'on a fait ça comme il faut, j'ai envie de dire, mécaniquement, il y a des résultats et du coup, on publie. Et, parce qu'il ne faut pas chercher à publier de manière un peu artificielle, quoi. Il faut vraiment que ça se passe sur sa recherche, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Léa ? C'était très intéressant tous les deux, donc vous faisiez un peu référence à ces difficultés de traduction, alors pas seulement d'une langue à une autre d'ailleurs, mais aussi quand Romain parle un petit peu de cette question de la traduction par le sensible, si j'ai bien compris aussi, qui permet de faire de la diffusion. Quand je parle du livre que vous avez écrit, j'imagine que c'est pas du tout le même langage que dans la thèse en ingénierie des matériaux. Et toi, j'imagine aussi que quand tu parles en dehors du monde de la recherche, il y a aussi tout le processus de traduction qui est nécessaire. Et on en parlait justement hier entre nous. Il y a une facette qu'on a quand on est dans le monde de la recherche, on a un vocabulaire très précis qu'on doit tenir quand on parle un peu à nos pairs. Et puis dès qu'on va expliquer en une phrase notre sujet de recherche, par exemple, ça devient un peu plus compliqué aussi quand on veut vulgariser et diffuser. Alors, Romain, tu disais que tu fais un peu cette diffusion en même temps que la recherche, même la formation en même temps que la recherche. Est-ce que vous aurez un peu des exemples d'outils, je ne sais pas, de manière dont vous avez commencé cette traduction-là ? Est-ce qu'elle s'est faite pendant vos recherches ? Est-ce qu'elle s'est faite après, au moment d'être confrontée à cette difficulté ? Et est-ce qu'il y a des bons outils ou des bons conseils que vous pourriez nous donner par rapport à la En fait, pour la traduction de mon ambiance, en fait le projet qu'on a établi avec en fait le gouvernement ils sont très pour un type de recherche qui couvre on peut dire la mobilité des chercheurs internationaux. Donc on a postulé, ce qui a permis des groupes des chercheurs enseignants ici du Cresson de venir au Caire et vice-versa. Et lors de notre arrivée, il y a un projet dans lequel était engagé Jean-Paul, c'est de traduire la notion d'ambiance dans les différentes langues. Donc maintenant, on a construit un groupe de chercheurs tunisiens, algériens, égyptiens qui travaillent sur la traduction de ce mot dans la langue arabe. Sachant que c'est comme le français, en fait, on a des mots, on a des termes qui définissent l'ambiance, c'est le gao. Par contre, c'est très, c'est dans la langue familiale, enfin, c'est pas vraiment un terme scientifique comme il est fait au Cresson et qui englobe beaucoup de choses. Donc, c'est vrai, on est dans le processus d'essayer de décrire quelque chose sur la traduction de ce mot, mais on n'est pas vraiment arrivé à le traduire jusqu'à maintenant. Parce qu'on a quand même dans le livre, mais ça reste très difficile parce que quand on fait par exemple des journées pour qui travaillent sur les ambiances, il faut les écrire en arabe. Donc allez, on est tout de suite bloqué, comment on va les traduire. Et surtout, on a besoin que ce terme-là apparaisse dans l'enseignement ou dans le monde scientifique. Donc on est dans beaucoup d'allers-retours entre universités pour savoir comment c'est traduit, quoi. Les différents urbanistes et architectes, comment ils appliquent ce terme-là dans la ville. C'est encore un processus, quoi. Oui, c'est vraiment une spécificité que j'ai de cette traduction-là, c'est mon principal métier en fait, depuis le début. Sachant qu'au début j'étais dans la vulgarisation, comme je disais, mais moi c'est vraiment une spécificité parce que quand on fait de la physique-chimie dans un laboratoire en école d'architecture, de toute manière on est en permanence en train de traduire pour ses pairs justement ce qu'on fait, parce que sinon. Et c'est pas spécifique, je pense que il y a effectivement l'impression que j'ai à avoir côtoyé des grands chercheurs comme par exemple Henri Van Damme, c'est quelqu'un qui nous a suivis depuis toujours, qui est professeur à l'ESQCI, c'est l'école des prix Nobel de physique et chimie français, où il y a eu Pierre-Gilles Degenne, où il y a eu plein de prix Nobel. Et de côtoyer ces gens-là, on se rend compte que en fait, c'est ceux qui ont la capacité en fait, à la fois ils ont une compréhension très profonde et fait des travaux très fondamentaux, etc. Mais en colloque ou quand ils parlent même à leur père, c'est toujours clair. C'est jamais noyé dans un discours qui est incompréhensible pour la plupart des gens. Je pense qu'un des travers de la recherche aujourd'hui, même quand on va dans un colloque de gens qui sont plutôt homogènes en sciences des matériaux, par exemple, on voit très bien que entre celui qui, enfin, que souvent celui qui présente, il présente pour les trois qui sont dans la salle, qui travaillent sur le même sujet très spécifique, et puis que tous les autres autour comprennent pas. Donc ça, je pense que c'est un gros travers de la recherche aujourd'hui, et qu'il y a de toute manière besoin de toujours traduire. Ça n'empêche pas d'approfondir graduellement et de faire émerger en fait les questions les plus importantes. Voilà. Évidemment, mon manuscrit de thèse reste assez indéchiffrable pour la plupart des gens de l'équipe, quoi, de Cratère. Par contre, ceux de l'école d'ingénieurs, ils le comprennent. Et voilà, je pense que ce travail de traduction, c'est pas juste pour le grand public ou les enfants, en fait, c'est pour même les chercheurs entre eux. C'est, si on veut faire de l'interdisciplinarité, de la transdisciplinarité, etc., on est obligé de traduire comme. Je pense qu'il y a des chercheurs de haut niveau qui, sur un sujet qui n'est pas le leur, ont les mêmes manières de réfléchir qu'un enfant de 8 ans. Donc on doit faire ce travail, surtout si on prétend vouloir faire de l'interdisciplinarité. Est-ce qu'il y a d'autres... Peut-être pour continuer sur cette question-là, est-ce que vous pourriez... j'aimerais vous entendre parler en fait sur la question de l'enseignement. Comment vous avez... donc je ne sais pas si toi, Romain, tu le fais au sein de l'école d'architecture ou pas, mais comment vous inscrivez dans un enseignement, comment vous nourrissez cet enseignement de vos travaux de recherche ou pas, et de la manière dont vous êtes aussi formé à cette activité-là, avant, pendant ou même après la thèse. Je voulais juste, dire aussi à Henri Van Damme, je parlais d'Henri Van Damme, c'est pareil pour Patrice Doite, je ne sais pas si vous connaissez Patrice Doite. Patrice Doite, il a justement cette capacité à dire en quelques mots, et même quand il s'adresse à ses étudiants de première année, l'essentiel. Et en fait, ça, c'est le plus dur. Et plus on avance dans la recherche, plus on se retrouve dans des situations où on n'a pas une heure de parole, on a 10 minutes. 10 minutes, et puis ça réduit toujours plus. Moi, le sentiment que j'ai, voilà, plus ça va, plus on me demande de faire des présentations courtes. Et donc en fait, plus ça va, plus on approfondit ces sujets, plus on doit être capable, en une phrase, alors un truc impossible, quoi, en une phrase, de dire qu'est-ce qu'on fait, quoi, qu'est-ce qu'on fait depuis 3 ans. Enfin, c'est un exercice très enrichissant. Et sinon, tu oublies. Non, simplement sur la question de l'enseignement. Ah oui, l'enseignement, bah, moi j'enseigne depuis toujours au DSA Terre. C'est-à-dire la formation post-master dont s'occupe le laboratoire Cratère. J'enseigne en première année de l'école d'architecture de Grenoble. Et ensuite, dans le cadre du projet AMACO, en fait, on fait des workshops un peu partout. Alors, Alors, c'est plus beaucoup moi qui m'en occupe d'aller donner des cours, mais c'est à la fois l'école d'ingénieurs, l'école d'architecture. On fait des. On appelle ça des workshops, quoi. C'est-à-dire c'est à la durée, ça peut aller de, au plus court un jour, au plus long deux semaines, y compris à l'étranger, à l'ETH de Zurich, enfin dans différentes. Voilà. En fait, AMACO, c'est un projet de formation. Je suis très très impliquée dans la formation. En fait, quand il s'agit de l'enseignement, il y en a différentes échelles temporelles. Par exemple, le workshop, c'est courte durée. Et puis, il y a les cursus au sein de l'école. Et puis, en fait, on peut aller quand même au-delà de ça, comment faire un master ou bien une spécificité particulière qui traite un sujet particulier. Et en fait, tout ça pour moi, la seule chose que j'ai vraiment appliquée, c'est dans l'enseignement, dans des cours qu'on donne à l'école d'archi. Mais par contre, il y a beaucoup de workshops qui sont faits dans l'année pour les étudiants, qui sont obligés à suivre un nombre de workshops lors de leur licence et dans le master à l'étranger. Mais ça, je n'ai pas essayé. J'ai essayé de faire une fois, mais ce n'était pas possible parce qu'il y a une durée en Égypte qui ne va pas avec la durée en France, des processus administratifs. Donc, il y a quand même une différence. Tu donnes quoi comme type d'enseignement à l'école d'architecture ? À l'école d'architecture, la suivi des ateliers de design et puis des cours, comme j'ai dit, c'est Humanities et Landscape. Et human behavior, in public space, le comportement habitant dans les espaces publics et l'aspect humain dans l'espace. Donc c'est deux cours, un suit l'autre, qui traite le sujet de comportement de l'habitant, l'habitant. Et en fait, je m'intéresse beaucoup à faire des workshops entre ce qui se passe en France, comment on enseigne l'ambiance en France, au sein du labo, et puis pour les étudiants en Égypte, parce que ça va quand même m'aider à clarifier la situation. Et en fait, en tant qu'école polytechnique et école d'archi, ça change beaucoup de choses. Donc déjà, l'inscription de l'école, ça change beaucoup de choses. Et j'ai du mal à faire les... j'ai besoin de comprendre très bien le contexte français et l'évolution du contexte égyptien, parce que ça évolue. il y a beaucoup quand même un changement très très rapide après la révolution et jusqu'à maintenant. Donc de comprendre tout ça pour faire des alliances, je ne suis pas encore arrivée. Mais par contre, il y a quand même par exemple une partie qui travaille sur l'acoustique. Donc on a des purs acousticiens. Et ils ont des laboratoires de recherche sur le son très très développés. Donc comment faire des alliances pour travailler l'architecture avec les ingénieurs, les acousticiens, et en même temps travailler avec la France. Donc tout ça, c'est à développer. Et toi, tu as commencé l'enseignement l'année dernière. Juste après ta thèse. Oui, juste après ma thèse. Sur une question en fait, en tant que doctorant, enseignant, je sais pas quoi, vous êtes quand même architecte. Et quand on prépare une thèse, on a quand même des convictions, on a des intuitions, on essaie d'apporter des solutions à certains sujets qui nous préoccupent. En dehors de formation et des workshops, est-ce que vous arrivez à réaliser, à mettre en œuvre vos projets? Tout ce que vous avez en fait recherché, est-ce que vous avez le temps d'appliquer ou est-ce que vous avez le moyen de construire des projets en dehors de l'enseignement, quoi? En fait, dans le projet urbain ou projet architectural, non, en fait, j'ai pas commencé. Pourtant, en Égypte, en fait, il y a une partie. Les architectes ou bien les professeurs en architecture, ils travaillent. Ils travaillent avec l'État, ils travaillent dans pas mal des dans la vraie vie. architectural. Oui, c'est vrai, hein. Oui, parce que c'est pas dans le monde dans lequel on travaille sur des aspects philosophiques de l'architecture, mais c'est l'application. Enfin, j'ai pas commencé, surtout avec les ambiances. J'ai déjà du mal à enseigner dans la conception architecturale d'intégrer ce terme d'ambiance. Non, en fait. C'était très court entre finir la thèse, enseigner et puis revenir. C'était pas. Je vais pas. Pas assez de temps. Et aussi, il faut faire des choix. Parce qu'on peut, on peut pas tout faire en même temps. Et un projet, c'est un engagement. Et c'est du temps. Donc, il faut. Enfin, pour moi, c'était un choix. Soit je continue dans la recherche, soit je vais intégrer dans des projets. Par contre, ça change aussi notre façon de voir les choses, de voir l'espace, de donner même des consultations, entre guillemets, architecturales ou bien urbaines. Bah, oui, je répète, moi je ne suis pas architecte, hein, mais ce que je disais au début, la spécificité de Cratère et mon parcours personnel fait ça aussi, c'est toujours, il y a toujours l'échelle application aussi de vrais projets. Donc, quand on est dans un projet de formation, on construit aussi des choses en vrai. Enfin, j'ai surtout parlé de philosophie théorique, et à la base, nous, on est plutôt très terre à terre, on est dans la pédagogie du faire. On expérimente, c'est la philosophie de l'école d'archi en général. Grenoble en général. Donc, dans les projets de formation comme l'IPFI, on construit des choses en vrai. Et puis après, dans les projets de recherche, c'est pareil, on va intégrer des chantiers pilotes. Par exemple, un projet de recherche qu'on avait fait qui s'appelait béton d'argile environnemental, il y avait eu des chantiers pilotes, c'est-à-dire on avait mis au point une terre coulée, il y a eu plusieurs chantiers qui se sont faits avec ce. C'est toujours une volonté qu'on. Parce que si on n'a pas cette volonté dans un projet de recherche, ça ne se fait pas, en fait. Parce que et ceux qui sont dans les labos, voilà, ils ne sont jamais prêts. Ils sont jamais prêts à se lancer. Donc, nous, c'est toujours une volonté forte. Après, il y a, en connexion avec tout ça, des vrais projets d'application. Comme par exemple, là, il y a la LAIE qui s'occupe d'un projet qui s'appelle TIFA. TIFA, le principe, c'est le Sénégal qui a fait appel à nous parce qu'il y a une plante invasive qui s'appelle le TIFA, qui est un roseau envahisseur là-bas. Et la question qu'ils nous ont posée, c'est comment transformer cette plante envahissante en matériaux de construction pour l'efficacité énergétique du bâtiment. Donc il y a tout le processus en fait qui se met en place. Nous, notre vision, c'est qu'on part d'un territoire. De ce territoire, on va extraire des matières premières. Ces matières premières, on les transforme en matériaux. Ces matériaux sont assemblés en éléments de structure, système constructif. Ça s'intègre au sein d'un édifice. Plusieurs édifices forment une agglomération. Cette agglomération s'intègre dans un territoire. Et donc, dans notre démarche de projet, par exemple pour le Sénégal, on propose quelque chose qui correspond à ce schéma, c'est-à-dire à l'échelle du territoire, la première étape, c'est on analyse le contexte, on analyse le territoire, on regarde les ressources humaines et matérielles locales. Une fois qu'on a fait ce travail d'identification, on fait entre guillemets la R&D matériaux, donc à l'échelle matière-matériaux, on fait de la formule, enfin des mélanges, de ce roseau, enfin voilà, ce roseau, on va le transformer en matériau. Après, on passe au système constructif, on teste les murs, les dalles, des choses comme ça. Et après, il y a un vrai projet là, qui est en train de commencer, construit, avec un archi de l'équipe qui s'appelle Arion Mies, qui l'a conçu et qui met en œuvre tous ces matériaux. Et puis, l'étape suivante, c'est le changement d'échelle, qui se fait en même temps au fur et à mesure, hein, qui est formé des gens pour qu'il y ait une filière. Le but, à chaque fois, à cette échelle du territoire, c'est créer des filières de matériaux. Ça, je pense que c'est le laboratoire Cratère, presque, il part plus de ça, de l'application de terrain, que de la recherche. Ça part du terrain pour remonter à la recherche, à la théorie de pourquoi on fait ça, comment on le fait, etc. entre guillemets, très terre à terre. Merci. Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Alors, je ne voudrais pas la mettre mal à l'aise, mais est-ce que on peut demander à notre directrice, peut-être, de nous raconter, elle, comment ça s'est passé après la thèse et... Non, mais je pense que ça peut être un parcours qui peut être intéressant de voir voilà, comment... Mais après, si je ne veux pas que ça vous embête. J'assume. En fait, c'est la question que je posais en vous écoutant, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas une table ronde à venir sur les autres métiers que l'enseignement et la recherche, que vous représentez très bien, et en plus avec une diversité rien que sur vos deux parcours qui n'est sans doute pas évident à réunir. Et donc, avec Hélène, on essayait de voir tout ce qui on pourrait faire intervenir, qui avec un doctorat n'a pas forcément poursuivi dans la voie de l'enseignement et la recherche, enfin, c'est peut-être l'objet d'une autre table ronde. Moi, j'ai été attentive à ce que vous disiez, Monsieur Ranger, je pense qu'effectivement, et en écoutant Katharina tout à l'heure, je me posais aussi la question, c'est finalement, il y a toujours une part personnelle, moi, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit dans votre introduction, il y a quelque chose qui nous porte, parce que c'est quand même une sacrée croix, ce doctorat, donc il faut quand même bien la porter pendant les quelques années où on conduit ce travail. Et la question que je me posais aussi, toujours en vous écoutant les uns et les autres, c'était l'utilité sociale du travail que l'on conduit. Alors, vous faites de l'enseignement, de la recherche et comme vous disiez aussi, la vulgarisation, etc. Donc, c'est forcément des belles questions. Et tout à l'heure, quand Anthony Péqueux vous disait aussi comment ces bâtiments ont été reçus, etc. Parfois, sans doute, on a aussi des choses à défendre, des convictions qui sont les nôtres, même s'il faut s'en méfier parce que ça ne rentre pas très bien dans les canons de la recherche. Mais je crois que quelque part, c'est sans doute quelque chose qui nous anime, sinon indéniablement, on n'aurait pas conduit un tel travail. Donc voilà, après... Moi, je n'ai pas fait ma thèse en école d'architecture parce que ça n'existait pas, je suis déjà si vieille. Donc, moi, j'ai soutenu en 2004, donc l'année d'avant que le doctorat existe. Donc, j'ai fait ma thèse ailleurs en école d'architecture. Et donc, j'ai fait une thèse de sciences humaines et sociales à l'université. Mais donc, j'ai fait l'enseignement et de la recherche de façon assez classique hein, sur les contrats d'ATER. Mais ma chance, c'était que ma thèse était financée par une fondation de médiation culturelle. Et donc j'ai pu développer, effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, un projet de médiation sur l'architecture contemporaine et l'urbanisme, enfin sur l'architecture moderne et l'urbanisme moderne en montagne, former des guides conférenciers, faire des outils pédagogiques pour les écoles. Donc voilà, ça a été tout un programme qui existe toujours, hein, qui s'appelle Archipel d'altitude. Donc je suis restée longtemps conseillère scientifique et puis à un moment, j'ai tourné la page. Et puis, en fait, rapidement, l'année après avoir soutenu ma thèse, j'ai candidaté, je pense comme certains d'entre vous l'ont fait, sur des postes de maître de conférence. La fenêtre de tir est étroite. Hein. J'ai passé d'autres concours et donc j'ai été reçue au concours d'architecture urbaniste de l'État. Donc après, c'était un peu ce que j'essayais de dire en introduction, même si c'était très, très rapide, de passer le concours et puis le chemin que j'ai fait depuis 10 ans, hein, que j'ai rejoint l'État. Moi, voilà, ça m'a montré, alors au fil du temps, parce que je pense qu'on n'en a pas tout de suite conscience, mais que vous avez acquis par votre parcours beaucoup de compétences, de rigueur, de méthode, de façon de penser, de capacité à incurgiter beaucoup de contenu, de le synthétiser, d'avoir de la hauteur de vue. Tout ça, c'est des vraies compétences. Et voilà, moi, je pense que je n'aurais pas bâti mon parcours de cette façon, sans avoir ces compétences-là. J'ai pu me présenter au concours d'AIE sans le préparer, j'ai pu l'avoir sans le préparer. Moi, ça fait 2 ans que j'appuie des jeunes qui préparent ce concours. Je me rends compte que c'est pas si facile quand on n'a pas l'expérience de l'écrit que vous avez. Vous disiez tout à l'heure, vous prenez plaisir à écrire. Des fois, c'est aussi douloureux, mais en tout cas, c'est une vraie compétence. Donc voilà, moi j'ai l'impression de me servir un peu tous les jours de ce que j'ai acquis, évidemment pendant mes études d'architecture, c'est indéniable, mais aussi pendant les quelques années où j'ai pu travailler à l'université et rédiger cette thèse. Après, je trouve que c'est pour ça que je pense que ce serait intéressant d'inviter des gens qui ont un autre parcours aussi, mais vous pouvez poursuivre sur votre lancée, quand bien même, comme vous le disiez, vous avez publié des articles, peut-être au bout d'un moment, qui vont dévier légèrement pour ouvrir d'autres champs. C'est vrai que moi, en quittant assez brutalement le monde de l'enseignement et de la recherche, même si après j'ai continué à enseigner jusqu'à aujourd'hui, mais voilà, en tout cas, je m'en étais éloignée par les postes que j'ai occupés, j'ai mesuré que c'était difficile aussi, parce que j'étais devenue spécialiste d'une toute petite chose, certes, mais spécialiste quand même, reconnue dans des réseaux, invitée comme vous pouvez l'être, d'ores et déjà d'ailleurs durant votre doctorat, après des travaux, etc., et puis d'un seul coup, j'intégrais le ministère à l'époque de l'écologie, et quelque part, tout ça, c'était balayé un peu d'un revers de main, quoi. Je fallait repartir de zéro. Je travaillais sur l'articulation de l'aménagement et de l'environnement, par choix, hein, mais voilà, il y avait quelque chose quand même qui était un peu dur pour l'ego. Et c'est petit à petit, voilà, que j'ai pris conscience que finalement, la formation de ma pensée, elle s'était quand même aussi beaucoup construite pendant les études d'archi autour de la question du projet, de réfléchir en mode projet, etc. Mais aussi durant ma thèse. Voilà, donc c'est vrai que je pense que ce serait intéressant d'autres occasions et au-delà de mon propre parcours qui n'a rien d'exemplaire, de s'interroger aussi sur ce que vous avez pu acquérir, et peut-être que vous n'en avez pas conscience, mais voilà, qui sont des belles et vraies compétences et qui, dans des parcours ou dans les carrières publiques, parapubliques, mais aussi privées, peuvent vraiment vous conduire à exercer autrement. Donc voilà. Après, si vous avez des questions, je vous répondrai, mais je pense que ce serait intéressant aussi de bâtir une table ronde sur ces autres métiers. Parce que les places sont chères dans l'enseignement supérieur et la recherche. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des réactions dans la salle ou des remarques. Oui, par rapport à ce que vous dites justement sur les autres métiers. Les places sont chères moi, mon profil, c'est justement construire mon métier. Depuis le début, c'est plutôt ça. Et je pense que c'est pas incompatible avec. Je pense que, par exemple, dans l'IDEFI, ça se terminera dans quelques années. J'aurai plus de facilité, je pense, pour justement revenir dans les postes et les concours et tout ça, par le fait que j'ai construit. Et on est obligé, enfin beaucoup d'entre nous sont obligés de faire ça, je pense. Je ne sais pas, les organisateurs, au niveau du temps, on est comment? On est bien. Bon, ben, on va peut-être conclure sur ces derniers échanges. On note bien la proposition de la prochaine table ronde. Alors, je ne sais pas si on va trouver si on retrouvera les intervenants. En tout cas, merci beaucoup à Noah et à Romain d'être venus aujourd'hui. Ça nous donne des pistes pour penser l'avenir.